me reconnais pas dans leurs semblables. On se rappelle que tes erreurs comme un défenseur central. La compassion me fait défaut, je sais. Dans mon cœur c'est Stalingrad, dans ma tête c'est Sarajevo. Des années de ferme au palmarès, car la poisse ne change pas d'adresse lorsque tes démons apparaissent. T'ouvres les yeux et tes rêves finissent menottés. Tempérament Pucci, si j'ai perdu, faut revoter. Mes yeux voient rouge quand je fais le plein. Je déteste tellement l'humain que maintenant j'ai même mal quand je fais le bien. Je recompte mes sous pour faire le point. Je me parle à moi-même, car souvent je me sens seul comme un maître chien. Dans leur soirée mondaine, c'est de la fille du banquier. Proche des braqueurs qui convoitent la fille du banquier. Je pense à mes torts, dans mes cauchemars je vois des corps. Puis je me réveille, car soit t'avances, soit t'es mort. Je suis dans le vrai, mais en ce moment je suis pensif. Je regarde à gauche, à droite, organisé comme milieu offensif. Et si tu brailles, on va te pousser un kilo de rien. Je repense à ces nuits à dors, mire dans le froid d'un Clio 1. La rue a séquestré mes rêves. Dès le plus jeune âge, t'apprends à respecter les trêves, à détester les règles. Je me demande si c'est à la fin du monde qu'on assiste. On attend moins la paix que ce putain de GTA 6. Je serais tellement pisse si les gens faisaient pas les fous. Mais ça casse les couilles comme le répondeur d'un mec qui doit des sous. Loin de toutes ces putes qui disent si tu montes, je te suce. Ma loyauté vaut plus qu'une fantôme et toutes ces montres de luxe. La rue, ce qu'on encourt, des motards venus d'Hambourg. Gamme aussi matriculé au Luxembourg. Je me dis que mon espérance de vie diminue. Faut que je change, mais j'oublie au bout de 10 minutes. Tu les fuis alors que tes parents t'aiment. Je regarde là mon âme en peine, isolé en quarantaine. Daron à la ramasse, sous carapace. Des milliers de liasses de rapaces en direction de Caracas, putain. Je crois que j'ai fait le tour, mais le tour de quoi? Mon dernier album s'appellera Souvenez-vous de moi. Je crois que j'ai fait le tour, mais le tour de quoi? SVDM pour Souvenez-vous de moi.